You call my beat music. Eh bien, Fukushima para tena. Mais c'est tout Congo. Tasha Barantuku. Joyeux anniversaire à toi, maman Nelly Kemi. Mikilista soif. Le nom au Colombo Tamanaïo, maman. Zikato Sepela. Maman Mwenenga. Emeline est là. Association Son Inor Joué. Papillon rouge, maman, papillon rouge, j'aurai bien changé, maman, beaucoup de monde, allez, maman, Seven double in the Edition. DJ Rams, DJ Patrick, DJ Marabou Soké. Ouais, dans ce moment, du coup, la suite est à ta pêcheur et depuis Nigeria. Puissance, DJ Majestic, DJ Junior Missing. Tombi Tchenge. Amé la kere, gade yé babouma. Ike mine liye.